nanao, nanao, nanao, en bas la tête nous toutes calées, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, en bas la tête nous toutes calées, mon cap pensait qu'ils autres savaient comment la vie a qu'à rouler, à la Guyane nous toutes levées, pays a qu'à évoluer, nous pays gagne beaucoup richesse. Les chéris, le corps de duchesse. Malheureusement, ils gagnent paresse. A pour que ça nous dans la détresse. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la tête, nous toutes calées. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la tête, nous toutes calées. Actuellement, mon cas démerdé. Pour mon gagné, mon petit la vie. Il y a un petit proverbe qui dit ça oui, bah ouais, tu n'as pas fait mal. Parce que débris et pas péché. A jalousie qui caprimé. Il y a un autre petit qui a dit plus tard, plus triste, que sent-il. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la tête, nous tout calé. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la tête, tout calé. Ça qui j'again pas les d'autres gain. Bon Dieu qu'a fait si est calé. Laissez tout bien sous la terre. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la terre nous tout calé. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao, nanao. En bas la terre nous tout calé. Gain ou notre en cas demandé. Bon Dieu fait mon rêve. Mais il y a ça qui a fourré. Pour y empêcher d'autres passer. Depuis où vient une qui chose. Il n'est pas là pour connaître pour moi. A ma koumèque et piaille seulement. Il est comme été en y est l'idée. Nanao, nanao, nanao, nanao, nanao.